T'as les yeux bleus comme des coquelicots. On est heureux comme des canards dans l'eau. Et nous irons tous deux au bout du monde, pourvu que nous ayons beau temps, pourvu que nous ayons le temps. J'ai choisi le meilleur des avocats pour te faire mettre en prison quand tu me tromperas. J'aurais pu t'acheter quelques fleurs. J'aurais pu t'offrir une télé couleur, ou bien une piscine rouge et ronde. Mais d'abord, tu sais pas nager, et c'est si triste la télé. Et les fleurs, ça me donne le rhume des foins. Alors pour les petits cadeaux, ben on verra demain. Tu es moins belle que la tour Eiffel, mais tu as l'air beaucoup plus futé qu'elle. Et puis tu es infiniment plus ronde. C'est pour ça que tu me plais tant. C'est pour ça que je suis content. Je voudrais 4 enfants dont un de toi, pour qu'il me reste un souvenir quand tu t'en iras, mon ange. Oh, oh, oh, oh, oh. La la la la la la la.